Donc c'est parti pour notre premier podcast Podcorn. Donc ce soir on a Héloïse. Oui, bonsoir. Walid. Oui, bonsoir. Émilie. Bonjour. Et le meilleur pour la fin, Julien. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui on va attaquer ça. Voilà, donc Team America, film de 2005, réalisé par Trey Parker et Matt Stone. Donc on commence tout de suite, vous en avez pensé quoi vous? Un chef-d'œuvre. Est-ce ironique? Un petit peu. Il n'y a pas la vidéo, on ne voit pas ton clin d'œil. Hein, mais... Légèrement. Moi je pense que Trey Parker et Matt Stone, ils avaient une petite frustration avec des poupées Barbie. Si possible. Si possible. J'ai bien aimé. C'est. Il y a plein de choses à dire. Hein. Donc on va attendre. La suite. La suite. Moi j'ai adoré, ouais, j'ai adoré. C'est bien, grand fan. Grand fan. Grand fan. Et autant je suis pas fan de South Park plus que ça, mais là j'ai adoré. C'est pareil, moi j'aime pas trop South Park, mais là. Bon, alors on y va, donc le film commence par l'intro forcément à Paris. Oui. Tant qu'à faire, hein. Bon, il pète tout. Voilà. La Tour Eiffel est défoncée. La Tour Eiffel, j'ai noté d'ailleurs, comme dans G.I. Joe. Oui. Il pète la Tour Eiffel qui s'écrase sur l'Arc de Triomphe, comme dans G.I. Joe. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont un truc contre la Tour Eiffel là? C'est le symbole. Ouais. Ouais. Le symbole. Surtout, on leur a offert la Tour. La statue de la liberté, Gustave Eiffel aussi, peut-être qu'ils veulent se venger, je sais pas. Bah, tous les clichés hein, qui vont avec, hein, de Paris. Oui, la place en croissant. Voilà, les peintres, la de chaux, la déesse. La déesse. Déesse, très bon. Les marionnettistes, la petite mise en abîme avec les marionnettistes qui font le petit spectacle. Le frère Jacques qui va bien. Avec l'accent pourri qui vient de ses yeux. Frère Jacques. Le gamin était à claque. Voilà. La belle transition audio dès qu'on voit les terroristes aussi. Voilà. Putain, d'un coup tu passes avec les chants, chants arabes. Ouais, non, mais je cherchais s'il y avait un mot particulier. Non, il n'y a pas de mot précis, il n'y avait pas à dire grand chose. Rien que là, déjà, ça part dans le cliché. Ah oui, bah ça c'est chant arabe. Terroriste, ça y est, ouais. C'est parti. Non, et puis le truc qui est quand même couillu, c'est que dès le début, il y a le combat aussi. Il y a un combat à main nue dès le début, il fallait oser parce que c'est quand même leur gros point faible. Oui, ça, le combat. Fallait oser le mettre dans les trois premières minutes. La chorégraphie n'était pas si top que ça. C'était une petite danse. On dirait des lapins qui se battent. Ah, c'est pas faux, j'ai vraiment vu dès la fin, mais ouais. C'est pas faux. Petite pâte avant, c'est un peu ridicule en fait. Ah, c'est complètement ridicule, mais je pense que c'est assumé pour mettre ça dès le début. Ah oui, c'est assumé ça, c'est. Ça va bien faire rire. Moi je pense surtout qu'ils essayent de se dire bon, on va déjà mettre ça, puis comme ça ce sera fait, c'est terminé. C'est ça, on va faire le plus dur avant, c'est comme le pansement. Allez, je compte jusqu'à 3 et hop. Et là, fatalement, il y en a un qui meurt. Pour lancer l'histoire, fallait ça. Et j'ai remarqué, c'est le seul barbu de l'équipe qui meurt quand même. Le seul qui correspond pas au canon américain typique, quoi. C'est vrai. Le petit coup sentimental en plein. Petite déclaration d'amour. Voilà. Ouais, non, mais. À la The Mask, quoi. Voilà. Toujours cette petite histoire d'amour qui gâche un film. Ah, bah là, ça, ça n'a rien à faire ici. L'histoire d'amour, elle gâche pas tellement. pour le coup. Je dirais même qu'elle apporte la meilleure scène du film, mais bon, après, c'est subjectif. Puis on a la brune, la blonde. Ah non, on a tous les clichés. Voilà. Après, quand on va voir plus en détail l'équipe, on voit bien tous les clichés américains détournés, mais ils sont là. Ouais. Après, on a le recrutement. Oui, voilà. Le petit chant, déjà. La super comédie musicale sur le sida. Oui. Énorme. Ouais, c'était bon, ça. Comment faire l'apologie du sida? Je sais même pas si c'est l'apologie du sida ou juste de la connerie, parce qu'au final, à la fin, c'est juste sida, sida, sida. Tout le monde a le sida, c'est parfait. C'est quand même osé d'envoyer ça sur une maladie. Bah assez, ouais. Assez. On peut ouais. Tout se permettre en, dans ce style de... Alors pas forcément, pas mais forcément, bon. pas cette époque-là, ouais. Ça passe si c'était dans un film live, on va dire, ouais. Là, ça aurait du mal à passer. Ouais. Là, je pense que... Mais même là, je crois que ça passe pas forcément pour tout le monde. Hein, non. Mais... Ouais, même quand on sait que ça reste une dérision de A jusqu'à Z... Oui. Moyen, ça avait pas fait rire la Maison Blanche avec la Maison Blanche, ces films. Ah ouais, c'est vrai, ils avaient fou, ils avaient des problèmes. Ils avaient posté un truc. Comme bref, fait pas rire du terrorisme, je sais plus quoi. Bon, c'était George Bush aussi. Ouais, ouais. Du coup, Trey Parker et Matt Stone l'avaient remercié pour la publicité gratuite. Ouais, exact. Exact, ouais, il avait bien remercié. Bah, normal. Ça, c'est sûr. Ouais. Ils sont polis quand même. Pas fort. Alors, c'est bien. Tout seul commence à regarder le spectacle. À mon avis, il doit être. Ouais, il était pas là par hasard, je pense quand même. Non, il avait le dossier avec lui. Il avait déjà le dossier et tout. Genre à la mode CIA et tout. Je connais tout sur toi, sur ta vie. Et la petite entrée du chef dans l'ombre, forcément, qu'on voit pas au début. Un peu Mission Impossible. Un peu Mission Impossible. Juste maintenant qu'ils disent maintenant, sucez-moi la bite. Quoi. Sinon, voilà. Jusque-là, ça faisait sérieux. Ça faisait sérieux. Ouais. J'ai bien aimé cette blague-là. Tu l'as vu arriver à 3 km, mais c'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène au début avec justement le chef. Le Spotswood. À un moment donné, il a une statue avec un aigle et il se positionne juste devant et on a l'impression qu'il a des ailes d'ange. Ça fait la sculpture est blanche et ça fait comme des ailes d'ange. Alors, ça ne doit pas être fait exprès, je pense. Non, mais. Ah, si, ça doit être fait exprès. Ça doit pas être un symbole. Symbole. Non, mais que genre de symbole qu'on voit dans plein de films aussi, bizarrement. Sauf que là, bon. Les ailes d'ange, sucez-moi la bite. Voilà, ça va pas tellement. C'est pas bon ménage, quoi. Pas bon ménage. Ça dépend, hein. Il y avait un petit speech patriotique pour embaucher tout le monde. À la Michael Bay. À la Michael Bay. Ouais. Sauf. Avez-vous vu un homme déjà manger sa propre tête? Ah non, oh, vous avez pas tout vu. Et après, justement, on rencontre l'équipe. Là, on va pouvoir en parler des clichés. Voilà. Là, pour le coup. On présente l'équipe. Chacun ses caractéristiques, hein, forcément. T'as l'ancien quarterback, la parapsie, l'artiste martial. C'est ça, et la psychologue, c'est toujours très important dans une équipe comme ça d'avoir une psychologue. Ouais. Chacun ses compétences. Ou ses incompétences, c'est au choix. Hein. Surtout ça, ouais. L'autre, le meilleur artiste martial de Détroit, c'est utile de le préciser quand même. Ouais. La ville la plus pourrie, c'est Robocop, Détroit, je crois. Oui. Je voudrais pas dire de mal de Détroit, mais bon, ils sont quand même pas dans le... Ce qui est marrant, c'est qu'ils aient mis la blonde en... Comment elle s'appelle? Lisa. Ils ont mis la blonde en chef de toute l'équipe. Ah non, c'est le quarterback qui est chef de toute l'équipe. Ouais, le leader, forcément, le quarterback dans une équipe de foot, c'est le leader. Ah, parce que l'autre, elle est parapsie, donc elle est un peu plus. Oui, enfin bon, mets une blonde en leader. Ah, ils sont plus à ça près. Hein. De toute façon, elle n'est pas leader, c'est le quarterback. Qui est blond. Oui, c'est pas faux, il est blond. Ah ouais, il est blond, donc c'est une histoire de blond. Ah, c'est une histoire de blond, ok, voilà. Ça marche. Pas pour les blonds en leader. Alors, on présente chaque personnage. Bah, oui, allez-y. Moi, je me suis arrêté à quarterback, parapsie, artiste martial et psy. Hein. Ma présentation, elle s'arrête à peu près là. C'est toute la bio qu'ils font dans le film, hein. Ils vont pas plus loin. Si, on nous présente aussi le membre le plus important, intelligence. Ah oui. L'ordinateur intelligence. Qui a la voix de Philippe Manœuvre, on dirait. Hein. Ouais, on dirait peut-être. Mais, moi, j'ai noté ado attardé, hein, mais bon, après. Ouais, un peu. Ouais. Ado attardé, on va me dire encore que c'est un pléonasme. Un peu mou, hein, un peu. Donc, on a vu qu'il travaillait avec Windows. Je te trouve sévère. Il est pas sous Linux. C'est sûr. Bon, après, il y a encore le petit speech. Vous pouvez dire allez-vous rester avec nous, sinon la porte c'est là-bas. Ok. Okay. Là, pour ça, je crois sur la porte, il y a les étoiles de Hollywood Boulevard. Sur les portes des. Non, je pense plutôt que c'est l'étoile américaine. Les étoiles américaines, parce que le drapeau américain, c'est Stars and Stripes, les étoiles et les bandes. Du coup, ça fait penser aussi aux étoiles que tu as sur le sol. Oui, aussi, c'est vrai. De star, quoi. Bah, c'est moins dans le thème du film, oui. Oui, bah, aussi, mais comme si c'est vrai, il y a des acteurs. Oui, à la fin, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, il y a des acteurs. Ouais. Peut-être, oui, c'est vrai. D'ailleurs, en jetant un petit peu, il y avait... Je sais pas qui a vu les James Bond, mais c'est vrai que le QG y ressemble un petit peu. Au premier c'est James vrai, Bond. Dans les premiers James Bond des années 70, c'est vrai. Ils se sont inspirés de ça, ouais. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Enfin, un petit peu beaucoup. Même. Un petit peu beaucoup, ouais. Ouais, même le coup du chauffeur de limousine, tout ça. Bon, la voiture qui se transforme, c'est plutôt Men in Black, peut-être. Inspector Gadget. Allez, on parle du film Inspector Gadget ou pas? Non. On laissera ça pour une prochaine fois. Ou pas. Ou c'est pas obligatoire. Hein. Mais d'ailleurs, quand il y a les marionnettes qui sont dans la voiture, quand elle n'est pas décapotable, on voit plus les fils. Et ça, ça m'a gêné dans le film en fait, parce que du coup, tu te dis que c'est plus géré de la même manière. Ouais, tu vois un changement technique. En fait. Voilà, un changement technique. Ouais, c'est aussi logique en gros plan, il passe. Oui, c'est sûr. Avec la main dans la marionnette pour amener plus finement les yeux et tout ça sur les gros plans. Mais du coup, si on avait vu les mains, ça aurait été. Ouais, non, si on avait vu les mains, là, tu sors carrément du film. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça perd de sa crédibilité. Ça perd de sa cohérence. Ouais. Parce que c'est vrai que les films, on les voit pendant tout le temps, sauf dans les bagnoles. Ouais, sauf les scènes en intérieur ou les très gros plans. Ouais, du coup, on arrive à la première chanson. La fameuse. Ah, bah, la fameuse, il n'y en a pas qu'une. Hein. Ouais. C'est pas la pire, celle-là. Hein. Celle qui fait clip, photo, vidéo. Voilà, la musique un peu country. Liberté, machin, tout ça. Voilà, la liberté n'est pas gratos, elle a un prix. Ouais, le grain rétro aussi qu'on retrouve. Ouais, c'est le grain photo surtout, parce que bon, ils ont. Ouais, mais faut le noter, ça diffère du reste du film. Surtout que je pense qu'ils n'ont pas eu les autorisations d'aller tourner, ils ont juste fait des photos sur les lieux. avant de se faire shooter à coup de pompe au cul. On a l'impression que c'est des photos, mais c'est quand même. C'est pas animé. Une impression, c'est une photo. Mais c'est animé, parce qu'il y a ses cheveux qui bougent. Ouais, mais je pense que c'est avec un appareil photo, tu sais, tu fais un film rapide comme ça, et puis après. Sinon, ils se seraient fait shooter là. de toute façon, pour tourner à l'extérieur, il faut des autorisations. Mais là, ils ont déjà qu'ils se sont mis l'administration à dos assez vite. Ensuite, Corée du Nord, Kim Jong-il, première présentation du grand méchant. Oh, la catastrophe. Quoi, il est pas si loupé que ça, le méchant. Oh, les lunettes. C'est génial. Il est trop fort, Kim Jong-il. Il est bien, ouais. Kim Jong-il, ouais. Après, c'est la voix de Cartman. Ah oui, mais en même temps... J'ai Cartman en horreur. C'était pas possible. Ah oui, mais il a fait trois quarts des voix du truc. Ouais, de toute façon, ils ont fait les voix, là, deux. Hein. Toutes les voix. Bon, pas dans la version française. Comme dans la version française, il y a les doubleurs de certains acteurs qui ont interprété les personnages. Par contre, en VO, les acteurs, ils ont pas voulu. C'est pourquoi. Ouais. Bah, et puis dans le bonus, il leur chiait vraiment sur la tête. De toute façon, on voulait pas les acteurs, c'est tous des cons. Problème résolu. Et j'ai noté, je sais pas si vous avez vu, le traducteur, quand il se fait abattre, une balle dans la tête, une petite tache rouge sur son front, ça s'arrête. Le pan passe à King Jong, on revient sur lui, on le voit par terre, la balle est un peu plus gros, le trou un peu plus dégueu, et sur le troisième, c'est vraiment la tête à moitié ouverte. Qu'est-ce qui se passe? La blessure qui continue d'évoluer avec le temps. Et ceci nous entraîne avec le méchant tchétchène, je sais plus si c'est tchétchène ou afghan là. Je pense que c'est l'afghan. Ah oui, mais il dit je déteste les tchétchènes après quand même. Non, oh, c'était les tchétchènes au début déjà. Ouais. Bon, le terroriste tchétchène ou afghan, de toute façon, pour ce que ça change après. Hein. La mission, non, la première mission, de toute façon, elle est en Égypte. Ouais. Donc. Ok, on descend. Avec encore un symbole de l'Égypte qui est. Ah non, ils ont déglingué tous les symboles de l'Égypte. Symboles, ouais. Ouais. Mais avant ça, ils ont quand même. Valmorphisé Valmorphisation laser. Ah oui, oh là là, les poils de partout, énormes. Pourquoi c'est pas réussi? Non. Ah non, c'était très... Les sourcils. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, ils se sont foutus de la gueule des Arabes, là, du coup, un peu. Hein. Bah, je pense qu'ils sont aussi foutus de la gueule de tout le film, on dit, tiens, on va te transformer en quelqu'un d'autre, tu reconnais nettement l'acteur en dessous, hein. Ouais. Je m'attendais à un truc à la volte-face, moi. Ouais, moi aussi, au début, parce qu'en plus, on dirait un petit peu la scène de volte-face, quand même, avec tout le monde qui observe ce qui se passe, en plus, c'était tellement logique. Ah, puis ce qui est énorme aussi, c'est les vieilles démarcations autour des yeux, comme s'il avait eu juste une bonne tache de fond de teint. Bah, c'est ça, c'est juste du fond de teint, et... Puis 2-3 bricoles. Et 3-4 touffes de poils collées sur le visage. C'est ça, on braque. Et ils ont changé la couleur des yeux quand même. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Ils parlent même pas arabe, c'est pas grave, on t'envoie la voix. Tranquille. Si, ils parlent arabe après. Parce qu'ils disent qu'ils parlent plusieurs langues et tout ça, c'est pour ça qu'ils le sélectionnent. De toute façon, l'arabe parlait dans Team America, je suis désolé. J'ai essayé de traduire, mais j'ai pas trouvé son truc. Ouais, Dakalaka, ça va, je crois. Ouais, Dakalaka. C'est sûr que là. Ça va, ils sont pas trop foulés. Pas bon là. Non, pas du tout. Ouais, je veux la petite scène, si jamais vous voulez vous suicider, prenez ça, le marteau. Le marteau. C'est tellement simple à cacher dans une dent. Ah, puis la fameuse chanson Team America. Ouais, avant je l'entendais, je savais pas d'où ça venait, mais maintenant je sais d'où ça vient. Voilà, alors, il paraît que ça ressemble vachement au générique des Thunderbirds, du coup, mais vu que j'ai jamais regardé Thunderbirds, là, je peux pas... Si, j'ai regardé Thunderbirds. Ah non, c'est vrai qu'il y en a une en 2000, un petit peu après Team America. Il y en avait une il y a pas longtemps qui est sortie. C'est vrai. Que j'ai vu sur YouTube. Ça arrive. Hein. Alors, faut quand même dire que le djihadiste qui va voir Kim Jong-un, il a une coiffure à la Marie-Antoinette quand même. Une espèce de perruque. C'est pas une perruque, c'est son chapeau, c'est pour c'est ça que c'était les tchétchènes. C'était un chapeau au poil de cul. C'était tchétchène au début. Ouais, il était tchétchène, mais après, il va se cacher en Égypte. Enfin bon, si on veut parler de chapeau aussi, il y a celui qui a subi la transformation pour ressembler au terroriste, il a juste une serviette de bain sur le Oui, c'est une serviette de bain. Il sortait de la douche. Ouais, mais c'est ça marche, hein. C'est un acteur top niveau, ça voilà, passe. Ça fait fakir un peu. Acteur top niveau, il sait faire, ça passe. Bon, en tout cas, c'est plutôt bien passé. En plus, ils arrivent dans une grande discrétion, là. Ils atterrissent comme ça, ils cassent tout, là. Non, justement, pour une fois, ils cassent rien quand ils atterrissent. Ah, si. C'est après qu'ils déclinquent tout. Si, au début, si, quand t'as le vent, putain, les. Ah oui. C'est là-dessus dans le marché qui vole à droite à gauche un peu. Ça vole à droite à gauche, ça va. Après, ils détruisent le quai. Oui, après. On peut dire qu'au début, tu es presque discret. C'est soft. C'est marrant, personne s'en est rendu compte que tu vois, les mecs ils sont. Si en plus ils descendent avec le haut-parleur, nous sommes le Team America, nous sommes vos amis. Si, puis de reculer plus loin, t'as les terroristes, ils ont pas entendu rien que dalle. Bah, c'est même pas sur plus loin. C'est un tout petit avion rouge et bleu. C'est ça. Très discret. Très passe-partout. Ça passe bien, ce genre de choses. Avec les noms. Les noms des rues en anglais. En anglais, mais ça. Bacala Street, ok. Ça, c'est normal. Normal. Tous les films américains, c'est comme ça, c'est à la fin, ça s'appelle Street à la fin. C'est ça, mais tous les noms des rues sont en anglais. Tout le monde s'appelle Street, quoi. Bah, tu voulais qu'ils disent quoi? Tu sais dire rue en arabe? Non, on est là. Bah, tu sais dire rue en arabe, toi? Neige, mais après, il y a plein de trucs, mais oui. Bon, faut aussi connaître. Ils auraient pu faire un effort, alors. Voilà, donc là, il infiltre le. le bar. Le bar qui fait référence à Star Wars. À la cantina de Star Wars. Ouais, c'est la même musique. Oui, moi aussi j'ai remarqué, ça m'a donné quelque chose. Ah oui, c'est carrément la même musique. Là. C'est clair. On a donné envie de revoir Star Wars après, mais bon. Ou juste cette scène-là où Han Solo abat l'autre comme ça. Sans pitié. Donc là, il rentre dans le bar et il arrive. Parce que c'est un acteur top niveau. C'était quoi déjà le djihad pour ses chèvres. Oui, voilà. Ouais. Ils ont tué ses chèvres. Là, ils le croient, ils aiment ses couilles. D'ailleurs, j'ai remarqué, vous avez vu Moulin Rouge? Oui. Je me suis demandé si c'était pas un clin d'œil à Moulin Rouge. À un moment, tu sais, il y a le gros russe qui chope le paquet d'Evan McGregor en disant j'aime tes couilles. Je me demandais s'il n'y avait pas un lien. Peut-être. À 2-3 ans près, ça, on n'est plus à ça près. Hein, non. Les petits clins d'œil. Bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement de liens avec d'autres films que c'est sûrement possible. Enfin, ouais, c'est pire. Il y a des chances. Hein. Et je vois pas ce que Moulin Rouge viendrait foutre là, mais j'ai trouvé ça rigolo sur le coup quand même. Il faut le voir ça. Ouais, j'aime tes couilles, il le dit en gros plan. Non, faut le voir, ouais, bah, en gros. Il... Quoi, les couilles ou là... Non, mais... la tête du mec. Il le dit en gros plan, ouais. Non, les couilles, on les voit en gros plan, mais c'est un tout petit peu après. Bon, du coup, après, on passe à la destruction du Caire. Ouais, voilà. Au signal, pour lui dire que je suis. Le signal super cheap. Déjà, on le voit au début, hein. Il y a une préparation paiement devant. Ouais, voilà. Et la brûle qui rentre dans le bar et qui flingue tout le monde à la mitraillette. Ah ouais, c'est juste après. La sulfateuse, là. La sulfateuse. Gary. Et ça m'a fait penser à Indiana Jones. Quand t'as Richard. Harrison Ford. Et à un moment donné, Harrison Ford qui se retrouve face à un mec avec un sabre qui n'en peut plus et qui fait des tas de courbettes. Et l'autre, il sort son flingue, bim, quoi. Il la bat, Et ça me faisait penser un peu à ça, le. Ah, du coup, ça revient aussi à la scène de Star Wars qu'on disait, oui. Avec aussi Harrison Ford. Ah, et après, il y a le moment Michael Bay, le sauvetage en moto au ralenti. Ou John Woo aussi. C'est plutôt John Woo que Michael Bay. Mais la moto, elle pète à la fin. En déglinguant le Oui, tout pète à la fin. En déglinguant le sphinx sans qu'à faire, c'est encore mieux. Bon, la course poursuite était. C'est folle la course poursuite avec l'autre qui fait des grosses. Baise-moi. J'ai l'impression qu'il me dit baise-moi. Il se fout de notre gueule. Surtout les yeux qu'il a, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment le désespoir. Quoi. C'est les mecs qui reconnaissent pas le truc, quoi. Tu le signal complètement. Ils ont mis le signal au point, les mecs, comme ça, et puis ils le reconnaissent pas pendant la course poursuite. C'était cheaté dès le départ. Le signal, c'est ça. Non, c'est pas possible comme signal. Ah, le signal vachement discret. Ah bah, c'était discret, la preuve, ils l'ont même pas vu. Ah, tu peux pas dire que c'est pas discret. Baise-moi. J'ai l'impression qu'il dit baise-moi. C'est bon, ça. Ensuite, à la destruction du Caire, évidemment, il y a les gays qui apparaissent. La guilde des acteurs yankees qui ont décidé que Team America, bah, ils étaient méchants. On leur avait rien demandé, ils venaient péter tout le monde, voilà. Et on va y revenir à cette histoire de semer la merde un peu plus tard. Mm. Bon, évidemment, le meilleur acteur pour eux, c'est Alec Baldwin. Oui, le meilleur. Bah, est-ce que c'est une moquerie ou est-ce qu'ils sont sincères? Je pense que c'est une moquerie. Parce que Ben Affleck, il en prend plein son grade. Hein. Ben Affleck dans le... Ah oui, mais dans la chanson après. La chanson d'après, mais non, il n'est pas présent, lui. Hein. Il est pas présent. Bizarrement. Ah, il y a Matt Damon. Matt Damon. George Clooney, Ellen Hunt, ouais, Suzanne Sarandon, Danny Glover, le pauvre, ça faisait des années qu'il n'avait rien fait, ils l'ont ramené là-dedans. Martin Sheen, tout ça. Sean Penn, mais Sean Penn, lui, il était très actif aussi. Avec son rivière de chocolat à Bagdad. Les enfants d'Alien ont des rivières de chocolat. Donc ça nous installe déjà un petit peu l'intrigue avec les gays qui se posent comme antagonistes principaux, quoi, finalement. On a tout le petit gratin hollywoodien qui va décider. Toute la bien-pensance. Team America, c'est les méchants, voilà. C'est pas bien, faut les arrêter. Ouais. Le gratin avec les nouilles et tout. Là, c'est... Le Sénat, quoi. Ouais, ça ressemble à un Sénat. Ouais. Après, quand on y va d'ailleurs, ça m'a fait penser encore une fois au Sénat de Star Wars. Hein. Ouais, voilà. Suite à ça, on retourne en Corée, et cette fois, on croise Hank Blix, le représentant de l'ONU, qui avait été introduit d'ailleurs par les gays aussi, qui nous en parlait. Et c'est la voix de Picsou d'ailleurs, Hank Blix. C'est la voix de Picsou. En VF, parce qu'en VO, c'est Cartman aussi. Hein. Il meurt à la James Bond. Ouais. L'espion qui m'aimait. Ah, j'avais pas la référence du James Bond. Avec le petit. Décalez-vous un peu à gauche, s'il vous plaît. Vous allez tout voir. Avec le petit requin. Ouais, le requin, il est pourri. Alors, autant les panthères à la fin sont bien, autant le requin, il est pourri. Ah ouais. Et ils auraient pu faire un effort pour le requin et faire le même système, ça aurait été jouable. Et là, l'ONU qu'on prend plein la tête, là. Petite critique sur l'ONU. Vite fait. Sinon, nous allons vous envoyer une lettre pour dire qu'on n'est pas content. Et c'est le pire, c'est que c'est totalement ça. Oui, voilà. Bah oui, mais. Nico, là, j'ai peur. Sinon, vous envoyez des militaires non armés. Ouais. On revient à la Team America, la petite fête de réussite de premier, la première mission de Gary. Ah oui, j'ai noté que les scènes de danse d'ailleurs étaient plus réussies que les scènes de combat. Oui, moi aussi, j'étais impressionné. Ah oui, mais il y a moins de contact dans la scène de danse. Là, pour le coup, c'est sûr qu'il n'y en a pas du tout. Voilà, après il y en a du contact. Mais là, pour le coup, ça va. Donc d'ailleurs, on nous raconte le trauma de Gary, hein, oui. Son frère, les myrtilles, les singes. Ça aussi, ça va être trop drôle. Ça pouvait être drôle. C'est drôle. Drôle. Le trauma de l'enfance est sali quand même là pour le coup. Tu es pas un gorille. Tu es pas un gorille qui voulait l'immerter. Ouais non mais le pire c'est après quand ils expliquent qu'ils ont exécuté tous les gorilles dans un bain de sang. Direct. C'est le petit truc en plus quand même. La petite info gratuite. C'est ça, c'était pas la peine de le dire mais bon quand même. Donc l'histoire entre Gary et Lisa du coup s'installe, l'histoire d'amour, enfin je dis elle s'installe, ça dure 15 secondes à s'installer, hein. C'est quand même rapide. C'est rapide. Ouais. Plus vite qu'un porno. Promets-moi de jamais mourir. C'est quand même non, assez facile de coucher avec une fille dans ce truc-là. Ah non, parce qu'il faut qu'il promette de jamais mourir, justement. Bon, d'accord, je te promets ça. Okay. Okay. Si on baisait, je te promets. Voilà, je te promets, pas de soucis. Et quand même, la première fois que j'ai vu le film, ils m'ont pas osé. Ah bah si, putain. Promets de ne jamais mourir, on fait l'amour tout de suite. Je te promets, je vais jamais mourir. Surprenant, et comme réponse. Ouais. Non, la réponse n'est pas surprenante, c'est la scène suivante qui est plutôt surprenante. Là, le coup. C'est bien fait, c'est assez bien fait d'ailleurs. Un vrai porno. Non, c'est pas un porno. Non, c'était un porno quand tu voyais quand t'étais petit. Quand tu voyais ta Barbie, ton accessoire qui t'était. Alors peut-être que toi t'avais des Barbie petits, Wally, moi. Des scènes version M6. Voilà, plutôt les films d'M6. Plus érotique. Non, parce qu'il n'y a pas de sexe visible à l'écran, donc c'est un film M6. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas du porno au porno. Bah non. En même temps, c'est vrai que sans appareil génitaux, c'était pas évident de faire la scène correctement, mais ils l'ont fait quand même. Ouais, c'est quand même assez explicite. Oui, ah, c'est pas tellement érotique quand même. Non. C'est un petit peu plus porno quand même. Ah, c'est un peu bourrin. Bourrin, oui, c'est ça, c'est le mot. Non, puis il y a la chanson, passe, y a la chanson qui va bien. Ça passe avec les poupées, ça passe. Ouais, ça passe. Enfin, je m'y attendais pas, j'avoue, moi la première fois j'étais quand même vachement surpris. Moi aussi. Ah, t'es mort de rire pendant 2 minutes. Ah bah ouais, j'étais mort de rire pendant 2 minutes. J'ai eu 10 secondes de flottement. Il trouve des positions, le mec, quand même, pas mal quoi. Ah oui, mais une marionnette ça pèse 15 grammes, c'est facile quand même. Ah, c'est sportif. Comment ils font pour pas emmêler les fils, hein? On se demande. Bah, je crois qu'il y a plus de fils à ce moment-là. On les voit plus les fils. On n'y a plus rien. D'ailleurs, ils s'enfilent. Ils s'enfilent, on peut dire ça. T'es au taquet là. Bah oui, mais ça, normal. Genre le gars. Non, puis la chanson qui vient avec. Petite chanson d'amour, mais. Pareil dans le film Michael Bay. Ah ouais, mais là quand tu lis les paroles, c'est énorme. Seul un trou peut me combler. Ouais. C'est pas faux. Bah c'est pas faux, mais là, franchement. Voilà. Ouais. Bon, cette scène, je crois, elle a été censurée dans certaines. Non, non, la scène, elle est là. Il y a un morceau qui a été censuré. Ouais. Le morceau scato, parce que bon, le pipi caca, ça passe pas. Autant le vomi, ça passe, mais pipi caca, ça passe pas. Ouais, là, ça passe moins. Je sais pas. Ah, le vomi, ouais. Ah, le vomi, il est passé, je l'ai vu au studio animal, le vomi, il était sur grand écran, c'est passé. Hein. Ah oui. Mais le caca, non. Question de goût. Pour le coup, oui. Ah, c'est quand même une belle scène. Oui, voilà. Enfin bon, belle scène. Vous êtes bien des bonhommes pour dire ça. Ah, fallait oser, quoi. Ah oui, mais les petites saintes, là. Ah, t'as vu ça? Je sais pas, moi ça m'a pas fait grand chose quand même, ça reste des poupées. Hein. Oui, mais bon, fallait quand même oser le faire. Puis enchaîne sans aucune transition sur le canal de Panama. La destruction du canal de Panama, et je sais plus combien de morts il dit, je crois 5000, un truc comme ça. Le tsunami. Non, la bombe, les bombes qui pètent de partout, tout le monde meurt noyé. Fin. Il me semble que ça a été une des scènes les plus longues à faire. Là, ils ont dû essorer les poupées entre chaque prise. C'est une mauvaise compagnie. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, ils ont passé un temps fou à essorer et sécher les poupées entre chaque prise. Mais là, on se croit aussi dans Titanic, quand t'as tous les personnes qui sont dans la flotte et qui flottent, en fait, t'as une immensité. Ouais, bah ouais, bah je pense que c'est plus ou moins l'idée, ouais. Ouais. 3000 litres d'eau, quand même. Hein. C'est ça. Ils ont déversé. Hein. Ça fait pas mal, hein, quand même, pour les poupées. 3000 litres plus l'explosion qui a été bien compliquée à gérer au départ. Ça devait être bien galère à faire. Hein. Ah ouais, mais ça devait être kiffant, quand même. Oui. Apparemment, c'est quand même leur gros plaisir aussi de détruire les décors. C'est comme Michael Bay, mais en plus petit, à plus petite échelle chez eux, quoi. Bah, j'ai du budget, je fais tout péter. J'en profite. Ah, le public, il aime bien les explosions. Je vais en mettre une couche. On parie à Panama, je sais pas si vous avez remarqué, mais toute la végétation, elle est à base de cannabis. Ah, oui. T'as pas fait gaffe, tout ce qui est buissons, herbes, de tout. Et après, quand on est à la conférence de la paix, j'ai l'impression que les palmiers, c'est des billets de banque. Oui, c'est bien. Oui, je crois que c'est des billets de banque, les palmiers, à la conférence de la paix. Et suite à ça, les gays montent au créneau et la Team America est dissolue, c'est bien. Elle est dissoute, c'est comme ça qu'on dit. On dit dissoute ? Oui. Ok, bon bah dissoute. Dissoute. Donc la Team America est dissoute, désintégrée. Voilà. Désintégré, j'ai plus de doute. Désintégré, c'est bien. De l'intérieur, parce que Gary a couché avec Lisa, alors que Sarah voulait coucher avec Gary, du coup... Ah oui, là, on est dans plein... Joe, le quarterback, il est déçu parce qu'il voulait se taper Sarah. C'est un carré, c'est... C'est un carré. Non, il y a que l'artiste martial qui voulait se taper personne, lui, au final. Ah, mais il était solitaire, lui. C'est lui, c'était le bourrin solitaire. C'est un peu le Chuck Norris de la bande. Et là, d'ailleurs, il pique tout en finesse, un peu comme Chuck Norris. C'est ça. Bon, d'ailleurs, c'est au début du film, quand les deux mitraillettes s'enrayent. Et ah oui, le là, combat, on dirait. C'est Norris. Comme Chuck Norris, il fait très bien. Hop, il met son flingue dans la poche et je préfère me battre à main nue. C'est vrai. Voilà. Puis, Chuck Norris, ça fait ça dans L'homme du président, quand même. Ah bah voilà, on est un expert en Chuck Norris, merci Julien. Ouais, ça fait plaisir. Non, et puis les petites phrases qui tuent, je vais te trouver la bite comme ça quand tu pisseras, ça partira dans trois directions. Différentes. Et ouais, en plus, il a de la poésie. C'est phrase. Ouais. Donc en gros, c'est le seul qui tue encore le coup quand l'équipe est désintégrée. Tout l'autre, il tombe en dépression, du coup. Ah bah, il tombe en dépression. La barbe de 3 jours, on remarque. Ouais, la barbe de 3 jours, mais elle est mieux faite que la fausse barbe. Ah oui, c'est sûr. Elle est bien faite au crayon, là. C'est sûr. Déprimé, il est... Ouais. Ah ouais, là. Alors avant d'arriver à la dépression quand même de Gary, on passe un court plan sur Kim Jong, qui est encore triste d'être tout seul. Ouais. Tu nous chantes la chanson, Julien ? I'm so runway, so runway, so runway, so runway. Combien de fois je l'ai entendu celle-là ? Et c'est runway, c'est avec c'est le runway, R. C'est runway, ouais. Ah bah, tu as le petit défaut de prononciation, parce que sinon c'est pas... Et pourquoi ? Ah ça, je sais pas. Pourquoi ? Parce qu'en Asie, le R en anglais, le L, ils le disent en R. Ah bah oui, du coup, c'est... Donc c'est runway en asiatique anglais, c'est runway. Ok, bah merci pour ta science. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, je sais, j'aime bien l'étaler un petit peu. Ouais, j'aime m'étaler un peu, tu sais. Je sais pas si je vais la garder celle-là. Et on a la destruction du QG par Michael Moore. Ah oui, ce fameux Michael Moore, bien gauchiste, bien gros. Mais le pire, c'est qu'à la base, ils étaient bien copains, Michael Moore et Trey Parker, Matt Stone, depuis Bowling for Columbine. Après, ils étaient vachement moins liés quand même. Ça se voit. Ça se voit. Ah non, au moment du tournage, ils étaient toujours potes, c'est après. C'est après le tournage. C'est après, c'est vraiment des enfoirés. C'est quand ils s'est vu, ça y a pas trop plu, mais en même temps. Ce qui donne aussi une phrase culte du film, on est privé d'intelligence. Quoi. Ouais. Sans l'ordinateur, c'est fini, quoi. Ils n'ont plus rien. Ils sont tous capturés. Et c'est là qu'on arrive à la scène de la dépression et du bar. Voilà. Avec la grande théorie. Oui. Bon, alors, qui me l'explique, la théorie ? Il ne faut pas se perdre. Bon, t'as la tête de nœud, la petite chatte, et les trous du cul. Alors, vas-y, explique. Alors, tête de nœud, c'est lui qui fout le bordel, il me semble. Bah non. Alors, attends. Bah, les têtes de nœud, ils peuvent foutre le bordel. Les têtes de nœud, c'est eux. Non, les têtes de nœud, ils pensent qu'à niquer tout le monde. Ah oui. Oui. Les trous du cul, ils foutent la merde. Ils foutent la merde. Et les petites chats, elles ont peur des têtes de nœud. Et des fois, ça devient des trous du cul parce qu'elles sont qu'à deux doigts des trous du cul. C'est ça. Voilà. Et au final, il faut quand même qu'il y ait des têtes de nœud pour baiser les trous du cul, sinon ils foutent la merde partout. Voilà. Ça, faut suivre quand même. Ah bah, faut suivre. Non, mais c'est. C'est de la grande philosophie. C'est philosophique. Ah, ouais. Bah, c'est toujours la petite. Petit moment philosophique américain. Ah ben le moment philosophie du poivron, en plus. Il faut bien quelqu'un, il fasse le boulot, tu vois. Ah ben là, c'est quand même le poivron du coin. Ah oui. Bon, c'est toujours les héros américains, c'est toujours. Et dans sa barbe, il y a même des miettes de bouffe. Ah bah oui, non, mais là, c'est la totale, c'est la déchéance complète. Bah c'est tout, enfin, c'était le petit détail où il y avait de la bouffe dans sa barbe. Déprimé à mort. Quoi. Déprimé. Et à la suite de ça, c'est là qu'il vomit, c'est ça ? Le geyser, la scène du vomi. Qu'est-ce qu'il a mangé, mais... Avec la musique ultra épique, comme dans les films où le héros il se relève et là il se relève et il revomit. C'est pas un bain de sang, c'est un bain de vomi. Ah ouais, non, mais il se relève, il revomit. Ah ouais. La musique revient encore plus épique et bah il revomit encore. Il a 15 bouteilles, quoi, pour vomir tout mais ça. Je sais pas, mais on voit que même le mécanisme du truc, il en peut plus. Le mécanisme, il crache les dernières gouttes de truc. Est-ce qu'ils ont tout donné pour ce. Ah, ils ont tout donné, oui. On dirait du flubber qui sort de sa bouche. Ah, j'ai jamais vu flubber. Ah non, mais tu vois quelque chose. Oui, cette espèce de pâte verte. Ouais, qui rebondit partout et ouais. Ah, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas vu Flubber, mais. Non. Moi, je trouve qu'on dirait du vomi bien dégueulasse. Oui, il y a quelques détails en plus, il y a des petits morceaux un peu partout quand tu vois la caméra. Ah ouais, quand le truc s'élève après, il y en a pas, mais il y en a 10 fois plus que de bonhommes, quoi. C'est pas possible. Ah, humainement, une personne face à toute seule, c'est pas possible. Non. Ah si, mais il se relève. Si. Bah là, tu meurs direct. Mais il se relève jamais, quoi. Quand tu fais ça, non, vraiment, à la fin, t'as les intestins qui sont sortis avec. Hein. Ouais. Du coup, il y a la petite musique derrière. Ah, la petite musique à la Top Gun avec la moto. Avec Ben Affleck, du coup. Ah, c'est après, oui, oui. C'est ça. D'abord, il y a le concile des gays. Ah, ouais. Il rencontre justement Kim Jong et tout ça. Il rencontre Kim Jong alors. Ouais, c'est ça. Ah oui, et après, pendant ce temps-là, il torture Team America. Voilà. Ah oui, il explique son plan et la destruction du monde entier, tout ça. Comme un chat méchant qui explique son plan. Comme, ah, un... comme un méchant de James Bond ou. Ouais, de James Bond quand même. Plus, même dans les dessins animés. Hein. Oui, mais parce que déjà. La scène de torture, animés, tout ça. Vite fait. Ouais, la scène de torture, elle est assez soft, je crois, quand même. Ouais, quand ouais. ils sont dans la prison, là. Ouais. Avec ouais. Les barreaux en forme de bambou. Ouais, bah les barreaux en bambou, comme dans. Là, Rambo. C'est Rambo 2, je crois. C'est Rambo 2, ouais. Petit clin d'œil vite fait. Et après, on arrive à la chanson sur Pearl Harbor et Ben Affleck. Un petit hommage à Michael Bay qui. Ah, bah là, clairement, mais là, c'est même plus de dommage, c'est une déclaration d'amour, moi, j'ai noté là, franchement. Ah ouais. Parce que s'il trouve que Pearl Harbor est pourri, ça veut dire qu'il trouve que le reste est réussi quand même. Et c'est surtout la comparaison j'ai besoin de toi comme Ben Affleck de cours, que Ben Affleck de cours de comédie, quoi. Ah, c'est pas faux. Et Cuba Gooding Jr. d'un meilleur rôle, mais c'est pas faux non plus. Là, j'ai bien rigolé, là. Ah ouais, non, mais là. Mais c'est, pour moi, c'est presque une déclaration d'amour, hein, Michael Bay, finalement. C'est une déclaration d'amour. Et même si on est affiché. Aussi au film de Tony Scott, tu vois, il y a. Dans Top Gun, oui, le côté Top Gun, ouais. Jerry Bruckheimer, là. Oui, de toute façon, c'est Bruckheimer aussi, à Top Gun. Et si on réfléchit bien, Michael Bay, avant Pearl Harbor, c'est potable, ces films. Oui. C'est pour. C'est... J'aime bien. C'est ouais, moins ouais, con ouais. que les Transformers, quoi, entre guillemets. Il y a eu The Rock avec Michael Bay. C'est Michael Bay, bah ouais, c'est Michael Bay qui a fait The Rock. Bah, tu vois, ah, c'est pas... The Rock, il est bien. The Rock est très bien. The Rock, il est très bien, c'est vrai. The Rock, il est excellent. Eh bon, il y a Sean Connery. Voilà, t'as déjà vu un mauvais film avec Sean Connery? Me dis pas Highlander 2, ça compte pas. Si. Non, ça compte pas. Ah bah, excuse-moi, Indiana Jones, c'est un bon film. T'as pas le droit de dire ça, la dernière croisade. Non, non, pas celui-là, mais il y en a un qui était pourri. Là. Oui, mais c'est pas celui avec Sean Connery. Je connais pas celui-là. Y'a pas. Le 4, Indiana Jones, c'est avec le 3. C'est comme Dragon Ball GT, c'est en dehors de la franchise. Non, mais ça existe pas, y'en a que 3, c'est tout. C'est bon. Il a énervé ça. Bon, bref, donc déclaration d'amour à Michael Bay. Et c'est là que Gary retourne au QG. Au QG. Détruit par, j'ai noté, un énorme socialiste sournois. Ouais. Et on a le droit au petit training montage après. L'entraînement. L'entraînement. Avant à l'entraînement, avant l'entraînement, il y a quand même. La petite scène de la petite. Turlute quand même. La turlute, évidemment. Maintenant, excusez-moi la vie. Ah oui, ouais, c'est vrai. Vous êtes réellement prêt à tout. Ça peut être un bon entraînement mental. Moi aussi. Mentalement, ouais, faut être au taquet. Pas hésiter, hein. Ah oui, oui. Oui, mais par contre, il est très consciencieux. Oui. Ouais. Quand il le fait, par contre, il est très consciencieux. C'est noté. Il le fait bien. C'est le petit plus, parce que sur le visage de Spotswood, tu vois rien, par contre. Hein, ah, c'est sûr. Pas beaucoup d'émotions. D'émotions, non. Non, non. Purement professionnel. Là, on voit rien, mais c'est peut-être presque plus gênant que la scène. Ah, c'est beaucoup plus gênant, parce qu'en plus, il filme quand même le mec en gros plan qui bouge pas. Oui, c'est forcément. On voit que les fils, en fait, qui bougent. Oui, voilà. Ouais. C'est ça qui est encore plus gênant, du coup. Tu vois juste les fils qui bougent, donc tu vois pas, mais tu sais très bien. C'est suggéré, mais ça fout mal à l'aise. Ouais, c'est même... ouais, c'est montré, hein. Mm. C'est pas, oui, comme dans la première pseudo scène de sexe, où ça fait plus rire qu'autre chose, là, c'est ah oui, là, ça gêne un peu. C'est pas trop où se mettre, quoi. Bah oui, puis déjà, une relation homosexuelle, ça la met pas forcément à l'aise non plus. C'est la première fois que j'ai vu un film avec un héros américain pseudo-gay, D'ailleurs, c'est dans les scènes coupées qu'il y a ça, Trey Parker qui s'était fait plaisir avec cette scène-là, parce qu'après il dit maintenant on va faire de vous un homme, et ça c'est la version qui a été filmée. Et dans une scène coupée, il dit maintenant on va faire de toi un homme, mais ça va être dur maintenant que t'es gay. Ouais. Bon, ça bizarrement il l'a pas gardé. Hein. Non, mais on peut comprendre pourquoi. Bon, c'était rigolo, ça m'a fait rire. Donc s'ensuit la conférence sur la paix avec la chanson sur et de Kim Jong-il. Donc là, je crois que c'est une référence à la réalité quand même. Il est très abus de sa personne. Et moi, j'ai noté un petit rappel d'une scène de Big Fish. Quand il rencontre les sœurs siamoises chinoises, tu sais, elles chantent, elles sont sur une espèce de lune aussi, enfin de fossile marteau du coup. Exactement comme dans Team America. Par contre, j'ai noté encore une référence à Star Wars. Eh ben oui, quand il rentre dans la conférence, je n'ai pas besoin de laisser passer. Ah oui, mais le geste, Walid, ça marche pas là, on est enregistré. Hein. tu peux faire tous les gestes que tu veux. Et la fusillade, et j'ai trouvé que c'était une référence visionnaire à Expandable 2. Parce qu'il tire n'importe où et tout le monde tombe quand même. Oui. Je crois que Stallone a dû voir ce film et il va faire... Ah mais c'est pas Stallone, Expandable 2. C'est Stallone West. Et le maquillage de Gary, un clin d'œil, Mission Impossible. Beaucoup de références à partir de là, je trouve. Oui. Ce qui emmène au bouquet final. Les gays contre la Team America. Là, ils se sont lâchés sur le gore. C'est à partir de là, les panthères. Allez, parle-nous des panthères. Je sens bien que ça te tient à cœur. Ah mais c'était énorme, ça. C'est trop fort. Qu'est-ce qu'ils nous disent des panthères carrés? Il y a juste deux gros chats noirs qui rentrent dans la salle. Par contre, c'est gore quand même, parce que les chats noirs, ils finissent par dégommer les... Les gays. Il est gay. Mais il y a du sang. Il y a du sang partout. Il y a du sang. Il y a des morceaux d'os qui tombent. Il y a de la barbaque, il y a tout. Il y a du sang, des morceaux d'os. Enfin, il y a des têtes qui roulent. C'est... Ah oui, c'est oui, à partir de là, ils sont bien lâchés. Et d'ailleurs, à un moment donné, on voit dans l'allée, il y a des statues. Et ce sont des chats, en fait. C'est pas des... Normalement, c'est des lions, la tradition. Ah ouais, c'est et là, ce sont des chats. Après, on voit des dragons. Mais juste avant que les chats arrivent, je me suis fait la réflexion. J'ai dit, tiens, ce sont des chats. Ah bah... Tu vois les chats arriver. Oh. Ah, voilà, comme quoi il y avait ouais. déjà, il l'annonçait déjà. Il l'annonçait déjà. Moi je l'avais pas vu venir, j'avoue, quand j'ai vu les chats arriver, j'ai fait mort de rire. Ah oui, c'est surtout ça. Ouais. Ça tient comme un cheveu. Ah oui, c'est bizarre de voir un truc vivant, réel, rentrer dans ce truc de marionnette. On se dit, ouais, ça aussi ils ont osé, mais ils disent, mais en fait c'était juste excellent. Ça c'était trop bien trouvé. Moi qui n'ai pas du tout accroché le film, j'ai adoré ce passage. Non, mais il y avait des chats. Oui, mais pourquoi? Ah oui, il y avait des chats. C'est mignon les petits chats. Bah oui, justement, c'est ça qui est drôle. Ils ont pas buté les chats du coup. Genre. Mais non, ils ont pas buté les chats. Non, j'aurais bien aimé qu'ils butent les chats. Oh, crevard. Ça faisait crédible quand même. Enfin, oui, c'est ça venait comme ça, mais. Ah, bah, ça pouvait être que des chats. Crédible, oui, en fait. Oh, c'était logique, moi, ça m'a pas choqué quand j'ai vu les non, chats noirs. Non, mais c'est le fait de voir du réel dans. C'est tout petit, voilà, tu mets des chats, ça fait des panthères. Bah ouais, mais c'est ça justement, mais je pense que c'est exactement les marques qu'ils ont adoptées en plus. Ouais, c'est bon, fous un chat, ça marche. Mais oui. On va jusqu'au bout du truc, quoi. Bah ouais. Non, puis une marionnette de panthère, là, ça serait vu pour le coup. Ça. Et là, le chat, puis la parapsie. Mais ça marche en fait, tes trucs. T'as réussi. Donc il y a ça, il y a Suzanne Sarandon qui tombe de je sais pas combien d'étages, le gros splash par terre. Elle prend cher, Sarandon. Elle prend cher, même dans la critique. Ah oui, parce que. Ton talent a baissé avec l'âge. La vache. Bim, ça s'est fait. Ça c'est dit. Ouais, mais au moins, elle y a reconnu un talent au départ, parce que alors tous les autres, ils sont juste déglingués, quoi. C'est clair. Ça met Luke Jackson, là. Ouais. Il lui brise la nuque, non? Non, il lui arrache la mâchoire. Comme ah oui, ça. Avec un coup de pied. Oui, ouais. Mais c'est pareil, ouais. Il me dit, tu peux faire des gestes, ça se verra oui, pas. Oui, il lui arrache la mâchoire. Enfin, voilà. Vers le haut, quoi. Ouais, vers le haut. Ah oui, c'est vrai, Samuel Jackson, c'est ça, la tête fracassée, c'est Matt Damon. Tu te demandes ce qu'il fout là, en plus, vraiment. Il n'avait pas aimé Matt Damon, hein. À l'époque. Il a pas vu les Jason Bourne, à l'époque. Si, je pense qu'il attaquait les Jason Bourne, tout juste. C'était pas mal, les Jason Bourne, j'ai aimé. Ah, moi, j'aime pas, mais... Bah, je pense que il faisait un peu le Matt Damon de Ocean Eleven, où le mec il suivait juste un groupe. C'est ça, parce qu'en plus. Sans forcément louer un suiveur, le petit gamin suiveur. Ouais, parce qu'en plus là il suit Clooney, c'est vrai, dans Team America il suit beaucoup Clooney. Ça fait un peu Ocean Eleven, tu vois, le petit jeune là qui sert pas à grand chose. Je l'ai pas vu non plus. Donc, ouais. Il est pas mal. Qui fait un peu plus proie en fait. Ouais, bon, de toute façon, à part dire Matt Damon et Matt Debra, c'est vrai qu'il sert pas à. Bah, justement, parce que justement il sert à rien, Voilà. Ils ont fait juste dire ça quoi. Le petit et suiveur. Tim Robin qui finit cramé. Tim Robin qui finit, ouais. Insupportable. T'auras un gros problème. Insupportable son rôle. Je suis fumeur. Ouais. Ouais, insupportable, mais pourtant vachement plus réaliste que les autres quand tu le vois qui commence à dire à la télé ouais, les gros capitaux, les grosses sociétés qui sociétisent, qui. Ah ouais, bah t'es aussi ridicule que le vrai, c'est pas mal. Ouais. Ça marche quoi. Bah après, il y a le discours de Gary. Les petites chattes qui sont à deux doigts des trous du cul. Ouais. Qui est meilleur acteur qu'Alec Baldwin qui finit flingué par Kim Jong, du coup. Il y a les deux nanas qui se battent aussi, ça fait Kill Bill, c'est dans Kill Bill. Oui, au sabre, ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que Kill Bill était sorti à l'époque ça? Oh, oui, je pense. Ah oui, Kill Bill, c'était avant 2005. Oui, largement, parce que Kill Bill, je l'ai vu au lycée, et Team America, je l'ai vu quand je bossais. Donc, ça devait être 2001-2002, ouais, je pense. Kill Bill. Ouais, et Kim Jong finit empalé sur le casque à pointe des Allemands. Évidemment, les Allemands qui se battent toujours en casque à pointe. Le cafard qui sort. Moi, j'ai noté référence à Men in Black pour ça. Ouais, le cafard, je sais pas. Un Dr. Mad aussi, toujours. Oui, qui s'enfuit toujours au dernier moment, oui. Bon, est-ce qu'on parle de François Hollande ou pas? Ah, bah, vas-y, parle de François Hollande, je sens bien que ça te démange. Vous avez vu François Hollande dans le public. Niveau France, avec Emily, on s'est dit, mais c'est François Hollande. C'est vrai que t'as un mec un peu rond avec des lunettes. Avec des lunettes, et même ouais, mais il lui ressemblait aussi. Vraiment. Oui, il lui ressemble vraiment. En plus, ils ont mis la France vraiment. Et la Hollande côte à côte, donc t'as France Hollande qui a écrit. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble, mais après, je me dis, c'est complètement random. C'est un hasard, parce que. C'est d'abord, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des Français, parce qu'ils ont caricaturé tous les autres pays, je pense que surtout on a. Ouais, ça commence par Paris quand même. Oui, mais les pays représentés au Concile. L'Espagne, c'est une danseuse de flamenco, la nana qui représente l'Espagne. L'allemand, il a son casque à pointe. Le français, le français, le mexicain, il a un sombrero et tout. Et c'est vrai que le français, c'est le seul qui est en costard lunettes, qui a l'air à peu près lambda. Il y a beaucoup de stars américaines qui ont des résidences en France. Et en fait, quand tu regardes souvent des films américains, en 2004, je vais faire un voyage à Paris, c'est un peu le. Ouais, peut-être, mais bon, en plus, pourquoi Hollande ? C'est la destination. En 2004, Hollande, c'était rien. Non, mais ils en ont pris un au pif et ils s'imaginaient pas après ce qui allait se passer. Ouais, ouais, bah oui, par contre, c'est sûr que c'est du hasard. C'est plus caractéristique, peut-être. Oh, bah tu parles, et, non, mais comme on fait pas plus passe-partout en gueule de con. Voilà, ils ont fait une grosse réunion socialiste, ils ont mis le chef socialiste français là-dedans, là. Ouais, peut-être. Et voilà, ils ont voulu. Ils ont pas voulu mettre Ségolène Royal, ils ont mis François Hollande. Ouais, c'est possible. Après, moi je trouve ça quand même. Mais après, bon, peut-être que c'est du hasard. Après, ouais, voilà. Peut-être que c'est pas lui, mais c'est vrai que sur le coup, tu vois que lui, quoi. Et après, je me suis demandé qui était assis à côté de lui. Du coup, j'ai pas trouvé. Mais... Ouais, personne. Enfin, on reste dans le random, hein, je pense, pour celui qui est assis à côté. Mais... Donc, j'ai noté une omniprésence de Trey Parker au générique, hein, quand même. Oui. Déjà, dans tous les films d'avant, je trouvais qu'on voyait beaucoup Trey Parker. Mais alors là, en plus, il fait trois quarts des voix. Il est producteur, scénariste, chanteur. Oui, il en fait au moins une quinzaine, j'ai vu. Ouais, il fait trois quarts. Ouais. Et l'autre quart, c'est Matt Stone. Alors, j'ai remarqué, ça a peut-être parlé à personne aussi, mais les marionnettes, c'est les frères Chiodo qui sont derrière. C'est-à-dire ? Alors, les frères Chiodo, c'est eux qui ont fait les marionnettes de Critters et Killer Clown. Ah oui, le seul film qu'ils ont fait, c'est Killer Clown. D'accord. From Outer Space. Bon, ça parle qu'à moi, c'est ça ? Oui, oui. Ok. Oui. Bon, la grosse question, est-ce que le film est raciste ? Je vois pas en quoi. Pourquoi le film sera raciste ? Oui, toi, je m'en doute bien, toi, tu vois le racisme nulle part. Bah après, c'est énormément de clichés, mais c'est des clichés de tous les côtés, quoi. C'est des clichés aussi. Il tape partout. Bah, il tape partout, je vois. Moi, c'est ça, il tape partout. Mais le film a quand même été taxé de racisme à la fin. Oui, pour moi, il est caricatural à fond la caisse. Mais raciste, non. Bah, mais ça, c'est les petits pisse froids, ça. C'est les trous du cul. Ah non, les petits chats, pardon. Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est raciste, en fait ? De leur côté, ils se moquent aussi beaucoup d'eux-mêmes, donc ça va dans les deux sens. Ah ouais, deux, non, ils se moquent pas. Ils se moquent des Américains, mais. Ils se moquent beaucoup des films américains. Oui, voilà. Beaucoup des films américains. Des blockbusters, de tout. Ah bah, de toute façon, c'est. L'idée de départ de ce film, c'était quand même de faire Armageddon ou le jour d'après avec des marionnettes, ce qui trouvait ça déjà très drôle, en fait. Non, bah, non, non. Il en fait même pas d'allusion raciste. Ah, ça dépend. Quand tu vois le traitement des terroristes arabes qui parlent en Takalaka, ils sont pas trop faits dans la finesse. Ils ont fait l'effort de traduire en Takalaka. Ouais, d'accord, mais enfin. Bon, non, moi je. Je vois pas en quoi c'est raciste. Non, mais c'est non plus. Tellement décalé, c'est tellement second degré, tout le monde en prend. D'ailleurs, ah, la oui. Scène du début, le petit gamin, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais hein. C'est pas du français. Ah ouais, Fouère Jacques. Non, ouais, mais après, mais avant, quand ils volaient les terroristes, ouais. Après, tu comprends pas ce qu'il dit, le gamin. Moi, ça m'a fait penser à une scène de l'Union Sacrée, ça. Ouais. Même la musique, il y avait autant de finesse dans la transition musicale. Quoi. Par contre, j'ai trouvé que le film était visionnaire, mais alors à plus d'un point. J'allais le dire, moi c'était ma conclusion. Ah, vas-y, alors. Bah, visionnaire dans le sens où c'est une parodie, mais il y a un fond de vérité. C'est, dans les médias, on nous dit bien ce qu'on veut bien entendre. Et y a, c'est de l'humour dévastateur. Quoi. C'est vraiment... C'est visionnaire, ça peut se passer comme ça. Ouais, puis même si tu regardes la relation États-Unis-Corée du Nord, on n'en a pas été loin il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà, où on disait qui avait la plus grande entre les deux, quoi. Ouais, entre c'est Trump ça. Et Kim Jong-il. Ah non, maintenant c'est son fils. Kim Jong-un. Un, ouais. Ouais, c'est pareil. C'est petit, c'est jaune. Entre les deux, quoi. Et là on reste. On est quand même dedans. Ouais. Et là où ils ont été très forts, c'est que les dirigeants américains, ils les montrent pas, ils n'en parlent même pas. Ils prennent même pas le risque de dire on va parler d'un truc où ça va aussitôt dater le film. Ils sont restés sur un dictateur qui restera en place de père en fils, donc le père, le fils, c'est pareil, ça marche. Et les Américains, ils les montrent pas. Comme ça, juste les acteurs. Ouais. Comme si vraiment la politique c'est la surface, était. De toute façon, elle n'a rien à dire. Exactement, c'est... ils n'ont rien à dire et c'est de la surface. Ah ouais, ça, sinon il risquait beaucoup plus de problèmes. Peut-être. À l'époque, je crois que c'était Bush. Ouais, c'était Bush à l'époque. Non, je pense pas qu'il y ait plus de problèmes, parce que quand tu vois Michael Moore, il a attaqué frontalement l'administration Bush, jamais il était plus inquiété que ça. Mais c'est assez malin dans le sens où, comme ça, le film n'est pas daté à une époque et ils peuvent le mettre avec n'importe quel président, qu'il soit de gauche, de droite, de n'importe où, ça passe, quoi. Avec le président de maintenant. Ouais, mais même Obama, s'ils avaient décidé de sortir ça sous l'ère Obama, ça passe pareil. Ouais, même sous Trump, hein, une chance. Bah, surtout sous Trump. Là, par contre, sous Trump, c'est quand même Bush x 10. Ah ouais. Ah, pour rester dans les multiplications, comme ils aiment bien dans Team America, c'est le 11-9 x 1000. Non, ce sera le 11-9 x 3650. Mais les médias, les médias le défoncent 10 fois plus que Bush. Quoi. Et en fait, dans l'esprit, moi, ça m'a fait un peu penser à la Cité de la Peur. Alors, ça ne parle pas du tout de la même chose. Mais dans le second degré, dans l'humour décalé, il y a certains trucs qui me faisaient penser à la Cité de la Peur. Ouais, peut-être. dans le dialogue, en fait, dans vraiment le tomber comme ça, le sérieux, alors que c'est énorme, c'est hyper drôle. Comme les bruitages à la bouche, dans Cité de la peur, quoi, le truc complètement décalé. Voilà. Quoi. Ouais. Bon, et toi, Wally, une conclusion ? Conclusion, ouais. Je suis sympa à regarder, quoi, mais un peu... C'est tout ? C'est tout, oui, oui. Putain, Héloïse ? Vas-y. Moi, c'est vrai, comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais pas du tout accroché, mais bon, quelques jours après, on s'assoit un petit peu plus sur ce qu'il y avait... C'est pas juste de la vieille caricature, en fait, ça dénonce énormément de choses. Mmh. Énormément. Et il faut pas prendre au sérieux tout ce qu'ils disent, mais y voir une petite part de vérité, oui, c'est ça, quoi. Une grosse part de vérité. Moi, je trouve que c'est un film sérieux, finalement, mais avec des... Avec des marionnettes. Avec des marionnettes et avec quelques petites phrases rigolotes, mais... Final, et ça marche bien avec les... Au final, c'est carrément styles, sérieux, hein. Enfin, ah oui, oui. Il dénonce quand même la bien-pensance des mecs qui pètent dans la soie, millionnaires, ouais, puis qui pensent tout savoir sur le monde alors que les mecs ils sont bloqués à Hollywood et c'est tout. Ouais, mais d'un autre côté il dénonce ça et de l'autre côté il dénonce aussi l'omniprésence américaine et partout. Il dénonce l'omniprésence américaine, il défonce tout sans se soucier de la culture des uns et parce des autres. Parce qu'en plus ce qui est très drôle c'est quand tu regardes, la team America fait toujours 10 fois plus de dégâts que les terroristes. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Si on transpose en France... Il y a les bien-pensants à fond, limite un peu trop, comment dire, bisounours, qui refusent un peu la réalité. Et puis les autres, ils sont trop extrémistes. Voilà, c'est exactement la même chose. Ouais, il n'y a pas de milieu, quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment... Bah, ça fait réfléchir quand même. Ouais, ça fait réfléchir. Ah non, mais c'est carrément ça. Ouais. Enfin, sérieux, il y a quand même... Bah, en fond, dans le fond. Dans le fond, c'est quand même sérieux. On sent que le mec derrière, il te fait passer un message, quand même. Il te fait passer un bon gros message, quand même. Ouais. Ah, il applique un peu vos chakras, vos esprits, il y a un petit message. C'est même pas un petit message, là, c'est qu'il y a un gros néon avec une pancarte qui... Voilà, c'est ça. Et surtout que c'était en pleine période anti-français, en plus, là-bas aux États-Unis. Je pense que c'est pour ça que la scène d'intro, elle est à Paris, au départ. Et ouais, et du coup, à Paris, ouais. C'est peut-être pour ça G.I. Joe aussi, où il pète tout. Ah, mais français. Bon, G.I. Joe, c'était quand même bien plus tard. Un peu plus tard. Bien plus tard. Bien plus pourri. À l'époque, ouais, le sentiment anti-français là-bas, c'était pas mal. Hein. Donc j'en déduis que toi, t'as aimé le film, Julien ? Ah bah oui. On peut dire que le film a des couilles. Autant. c'est marrant parce qu'en fait, j'avais des a priori sur ce film. Et tu me l'avais passé. Non, mais des a priori dans le sens où quand j'avais vu les extraits, et comme c'était à l'époque, tu sais, du ressenti anti-français à fond, et quand tu vois les extraits avec la tour Eiffel qui se casse la gueule, machin, je me dis putain, on va en prendre plein la gueule, les mecs, c'est les Français, machin et tout. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ah non. Mais rien à voir. Non, mais quand il faut voir le film, comme quoi, tu peux pas te baser forcément que sur le. Tu peux pas te baser sur une bande-annonce, oh putain. Ah non, ça on sait, ça. Si attends. On pouvait se baser sur une bande-annonce. Autant X-Men 3, il y a des bandes-annonces, tu vois que la bande-annonce, tu vois tout le film. Oui. Tu vois, autant tu vois, il y a des bandes annonces, des mauvaises bandes annonces, bah, comme l'antime américain en fait. Et, en fait, non, tout le monde en prend plein la gueule et c'est pas mal. Ouais. Ah ouais. Moi, je me suis marré comme un gros porc. Hein. J'ai regardé ça à 2h du mat la première fois en rentrant du boulot. Putain, mon père, il a pas dû dormir beaucoup là-dessus. Là, parce que, putain, il était à côté, je peux te dire, qu'est-ce que je me suis marré quoi. Surtout la scène du vomi. La scène du vomi, elle est énorme. Mais elle dure tellement longtemps et t'en peux plus, t'as les abdos en béton là à la fin. Ah, mais surtout la musique épique, à chaque fois tu dis, dans un film normal, il vomit, il repart. Entre la scène de cul, la scène du vomi. Je m'en rappelle plus de la musique avec la scène de. Ah, c'est la musique super. Ah, la scène de cul, c'est la chanson. Les dialogues de Chris qui est en train d'insulter son acteur là. Ah ouais. Parce que limite, quand il fait son entraînement après sa dépression, ça fait un peu flash dance. Bah, ça fait ça fait 13 années 80, ça fait Rocky. C'est Rocky là, du coup il parle de Rocky là. C'est, ouais, parce que dans la chanson il en parle même dans et Rocky. Flash Dance dans le rythme. Oui, de toute façon, Flash Dance, il y a un mot. Faut rester sérieux, Flash Dance, non, t'as pas le droit de dire ce mot là. Ah, pourquoi pas Ouais, aussi, bah de toute façon, beaucoup de films des années 80, il y avait un montage comme ça, et le fameux training montage qui avait été bien popularisé par Rocky, notamment. Dans tous les Rocky, de toute façon, t'as le training montage. C'est obligatoire. C'est obligatoire dans Rocky. Obligatoire. Rocky commence le film, il perd, à la fin il gagne, entre les deux il s'entraîne. Perd pas tout le temps, Rocky. Ah, des fois, c'est Apollo qui meurt. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Team America. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Un film auquel ça vous aurait fait penser ? Une série, film, une reco ? La série Archer, qui m'a connu. Pastiche du jazz band dans les années 2000. Un jazz band des années 60, tu vois. Je suis une connerie. Hein. Ouais, les premiers jazz band. Les premiers jazz band, mais. Ça, on ne connaît pas. Et c'est sur quel média ? Mais Archer, c'est pas une BD à la base, ça ? Je crois qu'Archie, il y a une BD qui s'appelle Archie. Non, Archer, c'est... Et Archer, ouais. Archer. Archer. Archer VR. Non, Green Arrow, c'est pas pareil. Hein. Il doit être Nanterre, du coup. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Je veux même pas m'en souvenir. Oui, je l'ai vu au cinéma. Oula, j'ai vu beaucoup de choses au cinéma. J'ai même vu Yogi l'ours au cinéma. Ça fait partie des pires. Ah si, moi ça m'a fait penser un peu à Tête à Claque. Ouais. La petite série qu'il y avait. Oui, oui. Dans l'esprit des visages. Bah, visuellement, ouais, visuellement, c'est assez proche. Enfin, c'était pas des marionnettes dans Tête à Claque, mais il y a que les lèvres qui C'était des marionnettes, les Tête à Claque. Ouais. C'était pas des marionnettes à fil, mais c'était. Non, pas à fil, ouais. C'était des pouces. C'était des pouces, Tête à Claque. Ah oui, c'est vrai, c'était des pouces. Ah oui. Et avec la bouche qui était énorme, les yeux énormes, un peu comme. C'est vrai que c'était moche quand même, Tête à Claque. Très moche, mais très drôle. T'es bon, t'as pas clair. Bah concrètement, moi quand on parle marionnettes, ça me fait tout de suite penser aux Muppets en fait. D'ailleurs, il y a un film sur les, avec les Muppets qui va sortir bientôt. Ouais. Carnage chez les Muppets. Ouais, ou, là, je pensais plus à le magicien d'Oz des Muppets. J'ai vu plusieurs magiciens d'Oz, mais pas celui-là. Ah oui, ça va que dans la caricature. Il y a Dorothy qui se retrouve avec une crevette absolument énorme qui la suit pied à talon, avec un accent un peu. Ça vend du rêve. Sinon, on parle du bébé de chaud, hein, allons-y. Hein. Bah, vas-y, parle du bébé de chaud, ça fait plaisir, écoute. Je voudrais pas te frustrer, Julien. Non, on va dire juste que la critique, ça passe mieux quand c'est en marionnette. Bah, ouais, c'est comme ça. C'est aussi le principe de la science-fiction, de grossir un trait pour le critiquer. Ça permet de ne pas avoir à attaquer une personne qui joue dans le film. Quoi. Alors, dans le cas de Team America, ils attaquent allègrement dans les bonus, hein, tous les acteurs. Et il est interdit. Non, il est à tout quel public. Âge il est tout public, est tout Team public. America. Ouais. Donc, j'ai vu dans les critiques qu'il était interdit. Aux États-Unis. Aux États-Unis, il est R. Aux États-Unis, je crois qu'il est R. Mais non, en France. Mais oui, il y a un moment, il y a le R qui est passé sur le film. Le rating. Je sais plus quoi, rating R. Ouais. Oui, aux États-Unis, ouais, il est classé R. Ouais, bah la scène de cul. Ça, y a un bruit, ça. Bah en France ça passe, hein, une scène avec des poupées, non c'est bon, c'est tout public, bah il n'y a pas d'appareil génitaux visible, c'est bon, ça marche. Bon alors on clôture là pour Team America, et la prochaine session ce sera donc un spécial Halloween, où chacun chroniquera un film donné par quelqu'un d'autre. On tease déjà? Ouais. Ouais. Vas-y Julien, tu chroniqueras donc The Ring. Et ça a été donné par qui? Par moi, Willy. Par Willy, ok. Emily? Moi je vais avoir The Descent. Donné par? Héloïse. Ok, Walid. Le premier film de Event Horizon. Event Horizon. Qui était donné par Emily. Ouais. Louise. Et. Braindead. Ouais, et voilà. Moi, je vais avoir Braindead donné par Olivier. Oh, bah c'est ballot. Et moi, ça va être Conjuring par Julien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, la prochaine session sera sans doute un petit peu plus longue. Oui. Ce sera plus long. Ouais. Ce sera toujours plus long. Voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles, on va clôturer. On vous souhaite tous une bonne nuit et à la prochaine. Vas-y. On va créer un compte Twitter pour si vous voulez nous donner des conseils ou des propositions peut-être pour les prochains tirages au sort. Et voilà aussi. Et ben voilà, donc un compte Twitter, un compte Facebook sans doute. Sinon, nous suivre nous, si on veut, sur les médias possibles et imaginables. Voilà. Si on nous retrouve. Bien sûr. Et bien, bonne soirée à tous. Merci. Salut ma poule. Salut.